peux pas oublier. Quand je vois la concu, sombre pensée dans ma tête. Les talents, là, je peux pas les envier. J'attends pas d'être validé pour faire la fête. Et la distance sera salée pour tous ceux qui m'ont recalé. Et fait better fly, je m'envole comme une abeille. Yeah. Et la distance sera salée pour toutes ces bitches qui m'ont recalé. Et fait better fly, je m'envole comme une abeille. Yeah. Ils seront mourir pour les miens. Les hommes, des pépites du 9-4 me semble. Faire des hits égales de somme. D'abord la réalité avant le nombre. La nouvelle se propage sur les hommes, des pépites du 9-4 me semble. Faire des hits égales de somme. D'abord la réalité avant le nombre. Qui veulent que polémique. En vrai, une valetia. Zago Cabana Mickey. En vrai, une ferrantia. J'attends pas d'être validé pour faire la fête. Je me repose que sur mes qualités pour assurer ma retraite. Et la distance sera salée. C'est que m'ont recalé. Et fait bird of fly, je m'envole comme une abeille. Yeah. Et la distance sera sale pour toutes ces bitches qui m'ont recalé. Et fait bird of fly, je m'envole comme une abeille. Yeah. Ils seront mourir pour les miens. Car on vient de loin. Mon avenir, je le rentre entre mes mains. Donc je vais pas oublier. Non, je finirai pas dans les oubliés. Pas l'heure à ces groupies. Non, je finirai pas dans les oubliés. Je fais pas roupier.